suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse, en séance, les étapes d'une psychanalyse. Une série de Virginie Bloch-Lenné, réalisée par Clotilde Pivin. Au départ de cette série, il y a l'envie d'être une souris pour se cacher dans le coin d'un cabinet de psychanalyste et comprendre enfin comment ça se passe, ce qui se dit et comment ça se dit. De savoir comment ça fait du mal et comment ça fait du bien, savoir si ce psychanalyste est comme le mien, s'ils sont tous pareils, et si ce cabinet ressemble à celui que l'on a fréquenté. Et puis aussi, on voudrait que l'analyste avoue. Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'elle compatit? Est-ce qu'il rêve? Est-ce qu'elle s'ennuie? Et surtout, est-ce qu'il nous aime? Parce que parfois, on reste des années. Alors pour commencer, les personnages. Des patients qui s'allongent sur le divan, d'autres qui tournent autour, ceux qui reviennent pendant 30 ans, d'autres qui ne font que passer, ceux qui font un transfert, des analystes qui ont peur ou qui s'agacent, d'autres qui aiment ou rêvent de leurs patients. Ensuite, le décor. Des divans recouverts d'un plaid, des fauteuils sur lesquels on jette un tissu, des coussins ou pas, des tapis ou pas, une boîte de Kleenex et une corbeille à papier, des plafonds par centaines avec ou sans moulure, faux plafonds, fissures, néons ou plafonniers. Aujourd'hui, troisième épisode, toujours le même divan. Vous avez des souvenirs, Catherine, de, même si ça fait un petit moment, des étapes par lesquelles vous vous êtes passée pendant l'analyse, c'est-à-dire colère envers l'analyste, euphorie, une bonne séance, c'est quoi? Et une mauvaise séance, c'est quoi? Alors là, il y a plusieurs questions en une seule. Sur les états, colère, jamais. C'est pour ça que je crois que je parlais d'analyse heureuse, peut-être harmonieuse, serait peut-être plus le terme approprié. Colère jamais, me semble-t-il, je ne m'en souviens pas en tout cas, mais j'ai des souvenirs de transferts presque transparents. Je me souviens un jour d'avoir attendu dans le petit cabinet attenant au cabinet où se déroulaient les séances, où nous attendions, ce qui permettait aux analysants de ne pas se croiser. Un jour, j'attendais et j'ai entendu, c'était long, il y avait du retard, beaucoup de retard, ce qui était tout à fait inhabituel. L'analyse était très classique de ce point de vue-là, les horaires très rodés, il n'y a jamais eu d'erreur, une à la fin en 14 ans de la part de mon analyste, mais à la fin, on peut penser que ça parlait aussi pour elle. Cette fois-là, c'était très long et j'ai bien eu 10 minutes ou un quart d'heure de retard, ce qui, sur une séance qui dure entre une demi-heure et trois quarts d'heure, est quand même pas rien. Et évidemment, j'ai commencé à m'inquiéter. Alors, il faut dire que j'ai perdu ma mère d'une manière violente. Elle a été assassinée quand j'étais enfant. Et ça s'est rejoué là. C'est-à-dire que je me suis dit, son patient, j'ai oublié de préciser que ma mère avait été tuée par un de ses patients, son patient est peut-être en train de la tuer. Alors, je ne me le suis pas dit en ces termes-là, mais j'ai éprouvé une angoisse liée à cela et je me suis dit peut-être qu'on lui fait du mal. C'était bien. Il me semble que ça renvoyait très précisément à cela. Et j'ai hésité considérablement. Je me suis mise debout dans ce petit cabinet très étroit où il y avait deux sièges, c'est tout, et puis quelques revues. Je me suis mise debout et je me suis demandé ce que je devais faire, si je devais y aller ou pas. En même temps, l'analyse était déjà suffisamment avancée pour que je me dise il y a là beaucoup de fantasmes sans doute. Mais j'étais quand même très partagée. Et donc voilà, je me souviens de ce moment très fort où effectivement, quand je suis arrivée, je le lui ai dit. Alors oui, je lui en ai peut-être voulu de m'avoir fait jouer ça, peut-être même à son insu, je ne sais pas, elle ne m'a pas dit. Non, elle m'a dit qu'elle avait une patiente qui était dans un moment difficile, mais ça ne lui était jamais arrivé avant. J'ai eu des moments aussi, alors d'euphorie, je ne sais pas si c'est de l'euphorie, oui, il y a quelque chose de très euphorisant dans le fait de se sentir... j'ai parlé de valeur à repasser à la pierre de touche, le fait de se sentir justement capable d'un certain libre arbitre, alors que la psychanalyse amène à découvrir que finalement on en a assez peu, puisqu'on est très dirigé par notre inconscient, eh bien le fait de pouvoir attraper par morceaux cet inconscient donne un sentiment de liberté qui est extrêmement rare, extrêmement précieux, et rare. Il n'y a pas beaucoup de circonstances dans la vie où on peut avoir, je trouve, ce sentiment d'un moment de connaissance de soi, d'un moment sentiment de commensurabilité. Je travaille beaucoup avec cette notion d'incommensurabilité entre le monde et l'homme. Il n'y a pas de commune mesure entre l'homme, ce qu'il prévoit, ce qu'il organise autour de sa vie et de la vie des siens, et puis ce que nous réserve l'existence, qui peut toujours nous surprendre, quoi qu'on ait prévu. Donc il n'y a pas de commune mesure. Et bien la psychanalyse, de temps en temps, permet des temps de commensurabilité entre l'homme et le monde, me semble-t-il. L'amour s'exprime avec des mots tout chauds, des petits mots bien clos, des mots petits, petits, tellement petits, qu'ils ne riment que pour moi, qu'ils ne riment que pour toi, qu'ils ne riment que pour nous. En séance, l'analyse est une grande traversée. Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Vous prenez des notes, ça raconte tout Erkem, pendant une séance ? Je ne prends pas de notes pendant la séance parce que j'ai le sentiment que ça m'éloigne. C'est-à-dire qu'en fait, que ça m'oblige à rationaliser ou à théoriser justement ce qui est en train de se passer et qui ne peut pas se passer d'une écoute totale, intacte, enfin. Mais il m'arrive d'en prendre très souvent après. Du coup, c'est un statut un peu étrange, les notes qu'on prend, parce qu'elles sont forcément façonnées par l'après-coup, et en même temps, on les prend quand même parce qu'il y a quelque chose auquel on s'attache, qu'on veut pas perdre. Simplement, on sait que ce qu'on veut pas perdre, sera de toute façon transformé, comme un récit de rêve sera transformé, justement, par l'après-coup. Et les notes, vous conservez tout ? Alors oui, peut-être par entropie, là aussi un petit peu, parce que je garde tout un tas de carnets dans lesquels je note justement ces choses-là. Je ne sais pas très bien ce que j'en fais, en fait. Entrez. Sans vous, j'allais gagner une intéressante partie, Dr. Peterson. Je vous remercie, Harry. J'attends dehors. Je suis sûre que vous vous sentez mieux ce matin. Je me sens très mal. Ça viendra. Toutes ces histoires, c'est de la blague. Quelles histoires, Michel ? La psychanalyse. Oh, je commence à en avoir assez. S'étendre sur un divan pour raconter des histoires idiotes. Oh, si vous croyez obtenir un résultat en me faisant bavarder sur ce qui m'est arrivé dans mon enfance, c'est grotesque. Mes patients, généralement, me regardent comme un fléau au cours des premières séances. Oh, je connais la chanson. C'est mon inconscient qui se révolte. Il ne veut pas que je guérisse. C'est cela. Votre inconscient se complaît dans la névrose. C'est à moi d'en trouver la raison exacte. Quand vous saurez pourquoi vous faites ce qui est néfaste pour vous et quelle en est l'origine, alors vos troubles cesseront tout seuls. Vous pensez que je vous cache la vérité ? C'est en général ce qui se passe. Alexandre, qu'est-ce que vous faites comme métier ? Alors, je suis enseignant, formateur d'enseignants spécialisés exactement. Ancien enseignant au collège, puis maintenant à l'université. En quoi vous avez changé ? En allant chez un psychanalyste. C'est très compliqué à dire. Je m'appuierai juste sur un jeu de mots qu'il a fait il n'y a pas très très longtemps, au travers de quelque chose que je lui avais dit. Il m'a répondu « Vous avez pris du poids ». Ce qu'il fallait entendre dans le sens propre et figuré. Moi, je l'avais amené dans le sens propre, lui, il l'a dit dans le sens figuré. Ça m'a paru juste, en fait. Le symptôme principal chez moi était l'angoisse, comme pour beaucoup. Ça n'avait rien de très extraordinaire. Et l'analyse permet quand même d'en faire quelque chose d'autre et de libérer des espaces de désir beaucoup plus grands et de capacité à travailler, à s'engager, qui est beaucoup plus grande. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est un changement. Oui, c'est à peu près certain. Donc je pense que j'ai pris place autrement dans ma propre vie. Mais c'est pas un changement radical non plus. Hein. Je n'ai fait que accentuer des choses qui existaient déjà. Il n'y a pas eu de rupture. Ça n'a pas marqué de changement radical, non. Pas du tout. Et le moment, Alexandre, où de la place est libérée pour autre chose, vous le sentez dans certaines séances ? Oui. Oui, on sent parfois des dégagements, oui. C'est assez, c'est fin comme sentiment, ça supporte même sans doute pas d'être mis réellement en mots, mais il y a des moments où on va se sentir léger, et puis on va sentir quelque chose comme de l'appétit. Effectivement, on va sortir de là en se disant « Et oui, finalement, c'est pas si grave, ou c'est pas tragique, et oui, finalement, t'en es capable, et oui, tu vas le faire. » Et puis voilà, quelque chose de l'ordre d'un appétit se fait sentir, qui permet de faire des choses, oui, absolument. Et ça se loge au creux de l'estomac, comme si on avait faim, pour de vrai. En tout cas, moi, ça me fait ça, quelque part. Ouais, de l'appétit, je crois que c'est le meilleur mot que je puisse dire, oui. Et je crois que ça doit s'appeler du désir, a priori. J'ai pu être pris par des émotions, de la colère, du désarroi... de la haine, des envies de violence, ce genre de choses-là. Mais l'abattement, les larmes sont venues aux yeux plusieurs fois, mais d'ici à tout lâcher, non. Ça, c'est, j'en suis pas là, il y en a qui parviennent, sans doute que ça me ferait pas de mal de temps en temps, mais non, il y a une sorte de contrôle qui se maintient là, qui est une résistance, hein, très clairement, mais que je maintiens quand même, ouais. Vous rêvez plus lorsque vous êtes, oui, en analyse. Absolument, mais c'est par période. C'est-à-dire qu'il y a des moments, et je pense que là aussi ça fait partie des résistances, où je peux rêver mais n'en retiens strictement rien. Et donc, n'ai rien à en dire, ou alors des fragments très très lacunaires. Et puis il y a d'autres moments où les rêveries sont, où les rêves et rêveries d'ailleurs, sont plus intenses et où du coup il y a matière à dire sur le divan. Effectivement, ça correspond à des moments de plus grande disponibilité psychique. C'est-à-dire des moments où je suis plus engagé dans le travail, où il y a quelque chose qui, effectivement, c'est la salée. Et où, donc, du coup, c'est plus facile d'associer. Bon. Mais encore une fois, c'est rare. C'est-à-dire qu'il y a quand même des tas de séances où il ne se passe rien. Il y a des tas de séances pour rien, où on se dit vraiment, mais qu'est-ce qu'on fout là ? Où je n'ai ni rêve à apporter, où aucune association digne de ce nom ne me vient à l'esprit. Alors, sans doute que je les censure également. Et du coup, il ne se passe rien. Voilà. Donc des séances comme ça, il y en a quand même des tas. Et on se dit qu'on a acheté l'argent par les fenêtres à ce moment-là. Bon. Ça fait partie du prix à payer. Je me sens très irrité ou jaloux d'une attention qu'il a pu marquer au patient qui va s'en aller, dont j'ai pu percevoir quelque chose ou pas, mais j'en imagine quelque chose. Donc ça va créer aussi une ambiance dans laquelle j'ai finalement envie ou pas envie, donc ça vient brimer ou ça vient influencer. Donc c'est quand même extrêmement compliqué de dire ce qui fait une bonne séance ou ce qui fait une mauvaise séance. Au total, il n'y a sans doute pas de réelle mauvaise séance. Il y a des séances où on sort frustré en se disant qu'on a passé quand même beaucoup de temps pour rien sur ce canapé, que il s'est ennuyé, qu'on ne lui a rien donné à manger. Ça, c'est la même manière de le penser. Qu'il est, ah, vous voulez lui faire plaisir ? Ah oui, bien sûr. Ouais. Une expression que j'utilisais, alors, qui est sans doute très associative pour le coup, c'était lui donner du bon manger. Voilà, que je voulais lui donner en séance du bon manger. Alors forcément, on ne lui donne pas toujours du bon manger. Et quand on donne du bon manger, finalement, je ne suis pas sûr que ça marche par ailleurs. Mais oui, il y a ça. Donc là, évidemment, on entend à quel point j'ai besoin de lui faire plaisir à cet homme-là, oui. Et à ce qu'il reconnaisse que je veux lui faire plaisir. Donc voilà. Et tout ça fait partie du travail. Et le bruit, et le cri, et le son. Attention le son, string, trombe, explosion. Attention danger, la cloison écrasée, chape d'acier. Et les rayons, électricité, c'est pas bon. Attention, accélération, c'est pas bon. Assez, assez. On dit la psychanalyse est un symptôme de l'époque. Ça ne veut pas dire que l'époque se porterait mieux si on supprimait la psychanalyse. Mais ça veut dire que la psychanalyse devient le lieu où se déposent des questions qui ne peuvent pas forcément trouver leur issue ailleurs. Après tout, la psychanalyse a commencé comme ça. C'était du temps de Freud le seul lieu où une femme, un homme, pouvait parler de sa vie sexuelle, déposer la question de sa vie sexuelle, sans censure, en toute liberté, sans jugement, sans savoir quoi en faire, en étant dépassé par ça, et sans qu'on lui dise rien. Et ça reste, je dirais, quelque chose d'incontournable. On voit des patients qui viennent nous voir, parce qu'il n'y a que dans le cadre de l'analyse qu'ils peuvent déposer des questions et des paroles qui les tourmentent, qui les portent en même temps, qui sont des questions vitales, et qui ne pensent pas pouvoir déposer et déployer ailleurs. Patrick Villomard, est-ce qu'il est toujours et beaucoup question de sexualité dans une analyse ? Paradoxalement, oui. Alors si je dis paradoxalement, c'est que ça m'étonne, ça me surprend moi-même. Mais oui, absolument, et je dirais presque de plus en plus. Alors je ne sais pas pourquoi je dis de plus en plus, mais en fait je dis de plus en plus. Oui, absolument. On aurait pu penser qu'au fond, et on le pense d'une certaine façon, que la liberté de la vie sexuelle, dans tous les domaines, Bon, liberté conquise, liberté plus ou moins facile, fait qu'après tout, on n'aurait plus besoin tellement de venir voir un analyste pour parler de ça. Sauf que, quelle que soit la raison pour laquelle on vienne voir un analyste, on finit toujours par parler de sa sexualité. Mais quand on parle de la sexualité, on ne parle pas que de la sexualité. Parce qu'au fond, on s'aperçoit que le sexe n'est jamais que le sexe, hein, et qu'il y a toujours autre chose que la sexualité dans la sexualité. Hein. Mais la sexualité est là, incontestablement, et je dirais encore plus qu'avant, sous la forme des jouissances, hein, c'est-à-dire des addictions, de ce que nous appelons les pulsions partielles, hein, le plaisir d'entendre, de voir, de manger, de dévorer, tous ces objets offerts à la jouissance et à la consommation, dont il est tout à fait clair que beaucoup de patients ne peuvent pas s'en passer, vivent avec, enfin le nombre de gens qui fument de l'herbe, etc., bon, et qui s'interrogent eux-mêmes, hein, pourquoi je ne peux pas m'en passer, est-ce que ça me fait du bien ou du mal, je ne peux pas vivre sans. Là, on est en plein dans la sexualité, on est dans une sexualité orale, hein, un peu génitale, mais dans ce cas-là plutôt orale, olfactive, très primaire, très primitive, et qui d'ailleurs interroge les patients eux-mêmes. Je vois des patients qui viennent me voir, parce que ça fait 20 ans qu'ils fument de l'herbe, et ils ne savent pas comment arrêter. Oh, ne lisez pas le journal, reprenons où nous en étions. Reprendre quoi? Essayons de savoir à quel moment vous avez cru être Edwards. Constance, j'ai une confession à vous faire. Je vous écoute. Comme médecin, vous êtes exaspérante. Je suis là, tout éperdu d'amour, et tout d'un coup, vous me posez des questions qui rompent le charme. Oh, ce n'est pas la peine de me regarder comme ça et de sourire avec des airs ironiques. Je souris parce que vous réagissez normalement à l'analyse. Quand l'analyste commence à dévoiler ce que cache le patient, le dit patient se met à éprouver une haine cordiale envers l'analyste. Quand je serai pomme dans les souvenirs, les albums, est-ce que tu laisseras ta main sur ma joue posée comme ça? Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? When, petite sœur, we'll just have to remember. Il faut se méfier, hein, parce que les gens disent « Ah oui, si... » Christophe Dufond-Barré. Ça me déclenche l'euphorie, c'est que je suis enfin advenu à la castration, comme on dit en psychanalyse. Alors c'est ça qu'on dit, hein, c'est que l'enjeu, c'est la castration, quand même, dans la psychanalyse classique, puis reprise par Lacan. Mais il n'y a pas de diplôme, hein, c'est pas un moment d'euphorie qui vient valider comme un tampon ce dont il s'agit. C'est plutôt, par exemple, des retrouvailles avec la vivance de son enfance, avec le génie non entravé de sa propre enfance, avec des retrouvailles avec un peu l'absence de préjugés, la liberté de penser un peu hors des sentiers battus. C'est plutôt de cet ordre-là. C'est plutôt une curiosité retrouvée. Curiosité de vivre ou de etc. Ben moi, c'est plutôt comme ça, qui sont des petits signes de dire tiens, mais ça fonctionne cette analyse. Il se passe quelque chose qui fait que quelque chose se remet en mouvement et qui ramène. Par exemple, je pense à ça récemment. Une patiente me raconte une histoire de son village où elle raconte le dessin tragique d'un autre villageois. Et elle dit, mais pendant l'enfance, il était beau comme tout, on était ensemble à l'école. Et il dit, il était beau, mais on entend, il pétillait de vie. Quelque chose qui était, il était vivant. Et puis, la vie a été pas simple, et il s'est retrouvé dans une tragédie. Mais on pourrait dire, l'analyse, ce serait pour cette personne, éventuellement, pour ce villageois, de rattraper ce qui s'est perdu en chemin. Mais que pendant l'enfance, il avait réussi à... Moi, je pense à ça, mais c'est ce qui est aussi un peu qui arrive, par exemple, c'est qu'on dit cette petite fille durant l'enfance avait un génie du féminin, très féminine, pas au sens coquette, ça n'a rien à voir, mais génie de ou un petit garçon génie. Et puis ça s'est perdu, ça s'est éteint. Adulte, cette fille est devenue un peu neutre et mal mise, quant à ce qui pétillait de plaisir d'être une fille pendant l'enfance, on va dire. C'est ça qu'il faudrait pouvoir retrouver, au plaisir d'être un garçon qui avait et puis Kélos c'est coincé. Alors ça c'est léger être coincé sur sa question de fille garçon, c'est pas trop dramatique. Le villageois c'était beaucoup plus dramatique que ça. Mais pourtant durant l'enfance, on pourrait dire je l'ai vu moi qu'il était vivant. Et pourtant mettons ça s'est mal terminé pour lui, mais je l'ai vu vivant. Et bien c'est ça que l'analyste doit avoir dans les oreilles, c'est quelqu'un vient dire pas j'ai été vivant, mais à demi-mot, c'est ça qu'il faut. Il essaie de trouver une route pour dire quelque chose qui lui échappe complètement, mais qui est de cet ordre-là. Bon. Didier Bourgory, comment la tristesse de la dépression part avec l'analyse, parce que vous ne parliez pas que vous êtes venu parce que cette dépression vous ne pouviez pas elle restait là, mais vous parlez d'autre chose que de la mort d'Agathe. Pourquoi ça allège la tristesse de... Ça allège, ça la canalise plutôt. Si vous voulez, le livre que j'ai écrit, L'été d'Agathe, là, que j'ai écrit donc 7 ans après la mort d'Agathe, que j'ai commencé à écrire 7 ans après la mort d'Agathe, c'est un livre qui a été rendu possible par l'analyse. Mais le travail d'analyse, pourquoi je l'ai entrepris? Non pas parce que après la mort d'Agathe, j'ai été déprimé, parce que de toute façon, depuis l'enfance, je suis comme ça. On apprend ça. Moi, je le savais parce que on a la dépression infantile. Quand vous êtes dans la dépression infantile, vous ne le savez pas, vous en apercevez des années après. Des années après, vous regardez vos photos d'enfants et vous vous dites, c'est dingue ça. Je regarde un enfant qui est moi, enfin en tout cas, ça a l'air, et c'est un enfant qui ne sourit jamais. Et donc, c'est bizarre, ça. Et donc, après, il y a des épisodes qui font que vous renouez avec votre dépression infantile. Ce que je raconte, c'est peut-être faux théoriquement, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vécu, moi. Après la maladie, j'ai eu des gros problèmes cardiaques. Et donc, après le 4e infarctus, aussi, j'ai été vraiment très plombé, très... Et où vous savez, la maladie, l'hôpital, etc., c'est les endroits où vous retrouvez le cocon, une sorte de cocon. Et donc, il se passe des choses très fortes dans un hôpital, évidemment. Enfin, et donc, pour répondre à votre question, l'analyse, elle n'est pas là pour sortir de la dépression. Elle est là pour remettre tout en perspective. Et pour remettre les choses dans l'ordre aussi. Enfin, en tout cas, pour moi. Moi, l'analyse, c'est 321 séances. En l'occurrence, il y en a eu 321 entre le 4 novembre 2007 et le 30 juin 2011. Une analyse assez intensive. 321 séances. Et c'est une analyse qui permet d'avancer, de tenir debout. Et de prendre des décisions. Le travail est un vrai travail. Quand on dit un travail, vous savez, il y a des mots comme ça qu'on n'entend plus tellement qu'ils sont, ils sont usés. Mais le travail analytique, c'est un vrai travail. Et c'est un travail en commun. C'est un travail collaboratif avec l'analyste. Parce que le travail que vous allez faire, c'est un travail de longue haleine, dans lequel vous allez avoir des moments de doute, j'en sais rien, histoire de transfert, tout ça, je ne veux pas savoir, moi, mais en tout cas, des moments où vous vous sentez proche de l'analyste, il y a des moments où vous êtes en colère contre l'analyste. C'est un travail, mais c'est aussi un jeu. Dans le sens que, quelquefois, la première séance du matin, j'avais une séance le matin tôt, c'est bien ça, parce que vous dites, c'est bien de commencer la journée avec ça. En même temps, en y allant, en marchant, souvent je me disais « j'ai envie de parler de ça ». Et le temps que je me retrouve sur le divan, c'était tout à fait autre chose qui sortait. Mais ce n'était pas autre chose, en fait. C'était la même chose, mais un peu plus loin. C'est donc un processus où il y a des surprises. Et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a l'impression d'avoir découvert quelque chose qu'on ne savait pas sur soi, mais pas du tout. Quand je dis quelque chose, je parle de choses très précises, c'est-à-dire des choses qui se sont passées dans votre enfance, qui tout d'un coup reviennent et revivent. Ça, c'est très puissant. C'est-à-dire que l'analyse, le travail analytique fait remonter des souvenirs, des moments, je préfère les appeler des moments, qui sont enfouis. Et tout d'un coup, ils apparaissent en pleine lumière. Et le fait qu'ils apparaissent en pleine lumière, ça vous fait avancer. Kamel, entre un analysant et son analyste, il y a le transfert. Est-ce que vous vous souvenez de moments où vous vous êtes aperçu du transfert que vous faisiez ? Est-ce que vous pouvez nous les raconter ? Ça peut être un mot. Oui, il y a le transfert. Le transfert. Transfert, c'est une atmosphère qui se crée entre l'analysant et l'analysé. C'est en ce sens que c'est une personne de confiance à laquelle on peut peut-être identifier un personnage qui, dans sa propre vie, n'a pas existé, cette personne. Dans le fantasme collectif, le transfert, c'est tomber amoureux. Ça n'est pas cela, le transfert. Ça n'est pas cela. C'est avoir la possibilité d'avoir cette relation très particulière d'une personne à qui on fait pleinement confiance. Il y a aussi le fait, dans le transfert, de vouloir faire plaisir à la personne. Oui, alors est-ce que moi je m'en suis rendu compte ? Je m'en suis jamais rendu compte de façon directe, mais les moments où je m'en suis rendu compte, c'est lorsque des rêves viennent émailler le parcours psychanalytique. Quand vous rêvez d'une discussion avec votre analyste, de choses dont vous n'avez jamais parlé avec lui, et où il est évident que dans cette discussion, dans ce rêve, c'est vraiment dans le rêve, vous lui dites des choses que soit vous n'avez jamais dit à personne, soit que vous auriez préféré dire à votre père, votre mère, votre chéri, enfin, peu importe, des gens qui sont de votre cercle intime, oui, là, vous voyez le transfert. Après, est-ce que moi, pour ma part, je l'ai consciemment vu ? Non. Si ce n'est que fut un temps, effectivement, j'avais un analyste homme qui avait un certain prénom et je rencontrais que des filles du même prénom. Et je m'en suis rendu compte à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quand même étrange. Toutes mes amoureuses ont le même prénom. Voilà, peut-être était-ce là l'expression de mon transfert. Stop trying to be somebody else. Don't try to be someone else. Be yourself and know that that's good enough. Don't try to be someone else. Don't try to be like someone else. Don't try to act like someone else. Be yourself. Be secure with yourself. This is Mom. Call me. Bye. Lorsqu'une indication est... Clarisse Paruche. Classique. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de flamboiement du transfert. Parce que ça reste dans les zones tempérées de la névrose, même si ça peut être très intense, mais ça reste dans des zones tempérées et ça reste limité à l'ici et maintenant de la séance. C'est-à-dire que c'est ça aussi le principe, c'est pour ça qu'il y a la règle d'abstinence, c'est que tout ce qui se fait ne se fait que à l'intérieur de la séance. Quand on prend des patients un peu plus limites, voire ayant des organisations psychotiques, ou des possibilités de moments psychotiques, parce qu'il peut aussi y avoir des moments psychotiques réversibles, heureusement, ça peut arriver effectivement, qui est ce qu'on appelle un transfert passionnel, qui se déploie. Et à ce moment-là, c'est un risque pour la cure, c'est un risque pour le patient, et en général, on est quand même très très vigilant là-dessus. Je repense à un patient qui s'est avéré extrêmement projectif une fois installé sur le divan. Et ça a été très difficile parce que le moindre mouvement dans le fauteuil était interprété comme une expression de mon hostilité. Donc je me tortillais, c'est parce que je pouvais pas supporter d'entendre ce qu'il était en train de dire, ou que j'avais peur. Et avec ce patient, je me sentais un peu comme une sorte de sentinelle en faction pour parer les attaques. Ce qui n'est pas terriblement favorable pour l'écoute flottante. Et j'avais peur, c'est vrai. J'avais toujours peur qu'il se retourne et qu'il me gifle. Et c'est un patient qui, d'emblée, m'avait mis en difficulté. C'est le seul qui a fait ça, je crois, de toute ma clientèle, patientèle, on dit. Il prenait un temps infini pour se déchausser. Et il prenait un temps infini pour se rechausser. Et cette scène-là, elle me mettait dans un profond malaise. J'avais l'impression d'assister à une scène sexuelle sadique. Il a fini par arrêter assez brutalement en me disant qu'il arrêtait pour me protéger de sa violence. Et effectivement, il n'y avait pas, il n'y avait rien à interpréter dans la mesure où j'étais dans ces dispositions qui rendaient l'écoute extrêmement difficile. Et ça vous est arrivé d'autres fois d'avoir peur d'un patient ou d'une patiente? Et dans ces cas-là, vous pouvez en parler? Alors, il y a différentes peurs. Est-ce que j'ai peur pour moi? Est-ce que j'ai peur pour lui? Oui, il m'est arrivé d'avoir peur d'une patiente et pour une patiente qui venait hyper alcoolisée à ses séances et qui un jour avait cassé la porte de mon bureau en la claquant en partant. Oui, c'était un peu effrayant. Et est-ce qu'on va en parler? Oui. C'est ça la question. Oui. Bah, quand on n'est plus en formation, on a des collègues, oui. En général, ce sont des amis à qui on en parle. Sinon, dans le temps de la formation, on peut interrompre le contrôle qu'on avait entamé pour tel patient pour parler à son superviseur d'une inquiétude avec un autre. D'autres espèrent dans les cloches et les monastères voir le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme un insecte sur site internet voir les gens des sectes et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis rien, rien, rien. Catherine Chabert, le contre-transfert, il est profitable aux patients? Moi, je pense, mais tous les analystes ne pensent pas comme ça, mais je fais partie des psychanalystes qui pensent qu'il n'y a pas... que le transfert, ça existe des deux côtés. C'est-à-dire que dans la rencontre entre un analyste et un patient, il y a effectivement une mobilisation importante du côté du patient, mais il y en a une aussi du côté de l'analyste. Et par définition, le transfert, c'est inconscient des deux côtés, le contre-transfert aussi. Alors, ce qu'on peut penser, ce qu'on peut dire, c'est que l'analyste, il a au moins une analyse d'avance. C'est-à-dire que il y a quelques systèmes conflictuels, quelques réseaux associatifs, quelques problématiques auxquelles il a pu avoir accès au cours de son ou de ses analyses précédentes. Mais de toute façon, de mon point de vue, il n'y a pas d'analyse sans transfert et il n'y a pas d'analyse sans contre-transfert. J'aurais dû y réfléchir, mais j'ai pas de... Ça va peut-être venir, j'ai pas d'exemple précis, puis je voudrais pas non plus... Il y a des questions de confidentialité quand même qui font que probablement je résiste à vous donner un exemple qui serait mutatif, ou alors une anecdote qui n'est pas de moi. C'est une anecdote qui est racontée par Jean-Claude Lavie, qui est un patient extrêmement obsessionnel qui n'avançait pas. Il avait l'impression que la cure n'avançait absolument pas. Il n'arrivait pas d'ailleurs à dire quoi que ce soit. Et un jour, enfin, le matériel apporté par le patient se prête à une interprétation. Et donc, il interprète. Et il est dans une grande attente de la mutation éventuellement apportée par son interprétation. Et le temps passe et en fait, le patient ne dit rien. Et puis un jour, il lui dit, le patient dit à son analyste, Vous vous souvenez de l'interprétation que vous m'avez faite il y a 6 mois à propos de... Alors l'analyste est très content, il attend la suite, il fait. Et le patient lui dit, je trouve que vous avez beaucoup changé depuis que vous avez fait cette interprétation. Donc c'est anecdotique évidemment, mais ça vient bien dire de quelle manière la position d'analyste est complètement partie prenante dans son mode d'intervention, avec quand même, si vous voulez... Moi, je pense quand même qu'il y a une certaine prudence à avoir. Aujourd'hui, c'est très à la mode, le contre-transfert. Très à la mode. Et donc, il pourrait y avoir, à certains moments, une tendance à développer beaucoup, beaucoup, beaucoup les positions contre-transférentielles de l'analyste, en particulier dans les modalités de communication entre analystes ou ailleurs. Donc, à faire valoir quand même beaucoup les positions de l'analyste, alors qu'en vérité, bien entendu, elles sont importantes, mais... C'est important aussi que l'analyste puisse à la fois écouter son patient et réagir, enfin, et entendre les choses de son côté à lui quand il est... Parce que c'est pas parce qu'on est analyste qu'on n'est pas à certains moments embarrassé, angoissé, inquiet, ou au contraire joyeux, parce que justement... Il se passe quelque chose et c'est vrai que l'associativité qui fait partie de la présence analytique, elle est très prise dans le contre-transfert. Mais quand même, l'analyste, il est là pour le patient d'abord. Lorsque vous remontez chez vous, partez de votre cabinet, vous continuez de travailler, vous continuez de penser aux patients ? Oui, c'est une grande plainte familiale. J'ai un peu de mal à être bien attentive à ce qui se passe, à écouter ce que dit mon mari. Souvent, j'ai besoin d'un temps assez long pour parce que je reste avec tout ça. On est un peu essoré psychiquement. Donc, il faut se reconstituer. Et pour pouvoir être disponible à une autre façon d'être avec les autres. Vous avez des trucs pour des rituels, des astuces pour oui, je fais semblant d'écouter. J'ai dans ma tête. Et pour fermer vraiment la journée de travail, vous avez un truc qui marche ? Non. Après, ça va dépendre. Parfois, ça va me travailler même la nuit sous forme de rêve. Il y a très longtemps, je me demandais pourquoi tous les mercredis, j'étais dans un état épouvantable le soir après ma journée de travail, jusqu'à ce que je comprenne qu'un patient qui était en face à face et qui était extrêmement mélancolique, mais très ironique, il était extrêmement drôle, cet homme. Et j'étais ravagée tous les mercredis soirs. C'est quand j'ai compris que c'était la mélancolie derrière l'ironie et la destructivité de l'ironie qui me laissait dans cet état. Mais j'ai mis un certain temps avant de comprendre. Mais est-ce que vous êtes particulièrement psychologue avec votre entourage, avec vos proches, avec vos amis ? J'essaye de ne pas. J'ai fait quelques bêtises au début de ma pratique, à faire un peu la psychanalyse sauvage, comme ça, un peu partout. Et... Non, j'essaye que justement ça n'ait pas d'effet. Que les relations avec les gens restent des relations ordinaires. Je sais qu'il y a des couples de psychanalystes qui ont encore plus de mal. Parce que, justement... Vous en connaissez ? Oui. Alors, c'est vrai que c'est difficile aussi de partager sa vie avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça. Mais c'est bien de quand même, en particulier dans l'éducation des enfants, je pense que c'est précieux de ne pas faire usage de tout ça. Donc un analyste se trompe comme tout le monde ? Ouais. C'est rassurant, non ? Oui. Je suis là, pas là-bas, pas parti, là, bel et bien là, suspendu au-dessus d'un dégât. Il vous arrive de faire des actes manqués avec votre psy ou en séance ? Bah oui, ça m'est déjà arrivé, bien entendu, et heureusement. Et heureusement. L'acte manqué le plus récent, mais enfin bon, je parlais du lieu où je voudrais vivre et je rentre chez moi, je ne me souviens même pas du code pour rentrer dans mon immeuble. L'immeuble dans lequel j'habite depuis de nombreuses années, et le code est... Je ne me souviens pas de ce code. Je suis obligé de demander à une voisine qui arrive le code. Mais voilà, et là je me suis dit, c'est quand même fantastique. C'est-à-dire je le fais de façon machinale, sans même y réfléchir à ce code. Et d'ailleurs, il m'arrive d'aller en séance et d'oublier le code de mon analyste. Pareil. Donc oui, voilà, ça pour moi, c'est un acte... Enfin, c'est un tour que me joue ma psyché. Bon, voilà, après j'en rigole, hein. Je ne fulmine même plus. Alors que j'ai une mémoire, normalement, je n'oublie rien. Ben, oublier le code pour rentrer chez soi, oublier le code pour rentrer chez son analyste. Oui, voilà, ça c'est un acte manqué assez clair. Vous riez souvent en analyse pendant une séance ? Il peut m'arriver de rire. En fait, quand je rigole, c'est quand je suis surpris par moi-même. Il m'arrive de rire sur des événements assez tristes d'ailleurs, uniquement parce que je peux aussi être le jouet de ma psyché. Ben oui, parce qu'après autant d'années, on imagine la maîtriser, on imagine être un peu plus maître de soi. On est un peu plus. On n'est pas complètement maître de soi. Et donc oui, quand votre inconscient vous joue des tours, bah soit vous fulminez, vous vous énervez, soit vous vous dites bah non, c'est le côté humain et moi j'aime. Ouais, et ça me fait rire. Tout le problème du dialogue, des échanges verbaux entre humains, c'est que soit on parle pour essayer de mieux se comprendre, soit on parle pour essayer de défendre sa position. C'est pas du tout la même chose, mais en psychanalyse, c'est la même chose. Il y a cette posture écran qui consiste à parler pour habiller, pour argumenter, pour donner l'impression que c'est ça que l'on élabore comme sens à partir de telle situation ou tel phénomène, alors qu'en réalité, on continue à construire un écran pour ne pas atteindre la signification profonde que l'on n'a pas envie de rencontrer à ce moment-là. En général, on a envie de la rencontrer, mais ce n'est pas forcément le moment, et dans ces cas-là, on habille beaucoup autour. Donc ça, je pense que je l'ai fait beaucoup aussi. Je pense qu'on le fait beaucoup plus au début, ou plus exactement que tout au long de l'analyse on le fait sans doute, mais qu'au bout d'un moment on habille et puis on déshabille tout seul, c'est-à-dire qu'on n'est pas l'analyste n'a plus besoin de vous voyez ça comme cela, hein, ou vous pensez, mais vous disiez tout à l'heure que je pense qu'à la fin on le fait soi-même. Habiller, Catherine, est-ce que ça veut dire aussi dire certaines choses pour que l'analyste pense du bien de soi? Alors ça doit dépendre aussi des moments. Je pense qu'on a très envie que l'analyste pense du bien de soi, en tout cas en ce qui me concerne, qui a toujours été forcément... Je pense que quand on perd de manière précoce sa mère, on est toujours très sensible au regard d'autrui. Il y a quelque chose là qui s'est produit qui n'aurait pas dû et qui fait qu'on a démérité d'une certaine manière. Et donc on est très sensible à cela. Et je pense qu'au début, j'ai le souvenir qu'au début, j'étais très soucieuse de voir qu'effectivement, de montrer qu'elle voit, là je suis dans le mélange des personnes, j'étais très soucieuse qu'elle puisse voir que j'étais une personne bien. Surtout que j'arrivais avec un problème qui faisait que moi je me demandais si j'étais une personne bien. Donc j'étais très soucieuse de restaurer cette image de moi qui était, que j'interrogeais beaucoup. Je pense qu'on est aussi très soucieux de se montrer à soi-même qu'on est quelqu'un de bien. Bien sous les angles, c'est-à-dire que c'est bien au plan moral, mais bien au plan intellectuel, bien, enfin voilà, et bien dans sa peau, bien dans son analyse, enfin. Donc je pense que c'est, mais ça, j'ai pleuré, ça m'est arrivé de pleurer aussi en séance, mais je tiens énormément à ces larmes. Donc le bien dans la psychanalyse, c'est ça aussi, c'est-à-dire, c'est accepter ces caves. Moi, je parle de mes caves, les trous qui ont été creusés par la vie longtemps, enfin, sur toute la durée de la vie. En moi, ces trous, ces manques des personnes chères qui disparaissent les unes après les autres. Enfin, il y en a qui naissent, heureusement, il n'y a pas que des caves, mais il y a aussi des caves. Il y en a qui naissent, il y en a qu'on rencontre. Mais c'est apprendre à vivre bien avec ces caves, avec ses malheurs, avec ses souffrances humaines. Il neige des confettis, de la cervelle et des radis. La vie, c'est la vie. J'aime mieux rester au lit. Je crois que le voisin crie, monte la radio, je te prie. Je veux pas savoir ce qu'il dit. Il se passe des choses ici. Patrick Guillaumard, la santé psychique, c'est quoi ? Ah. La santé psychique, bon, c'est un concept nouveau. C'est pas la santé mentale, hein, ça assurément, parce que la santé mentale, c'est un peu, c'est une pensée un peu normative, un peu psychiatrique. La santé psychique, sont des choses assez diverses. D'abord, c'est pouvoir rêver. Je vais vous faire une énumération complètement paradoxale. C'est pouvoir dormir, c'est pouvoir rêver. Je vois beaucoup de patients qui n'arrivent pas à s'endormir. Bon, c'est pouvoir désirer. Hein. C'était un peu... Freud, il disait aimer et travailler. Mais bon, travailler, je ne pense pas qu'on dirait ça aujourd'hui. Hein. Mais désirer sûrement, c'est-à-dire... qu'est-ce que c'est que désirer ? Désirer, c'est à la fois avoir inscrit... dans sa vie, quelque chose que l'on perd, que l'on n'a plus, hein, que l'on a quitté. Il n'y a pas de désir sans perte, hein, et sans manque. Donc avoir inscrit la dimension du manque d'une façon qui donne un élan, et pas qui aspire en arrière, ça sûrement. Et puis, c'est aussi pouvoir investir des choses. Hein. Alors là, on est dans le côté d'aimer, hein. Aimer des personnes, des êtres, du travail, travailler avec d'autres, enfin tout ce genre de dimensions. Je pense très profondément que la capacité à supporter sa propre haine fait partie de la santé psychique et sa propre intolérance, et que c'est une force extraordinaire de savoir que quelque chose d'aussi négatif en apparence que la haine, nous en avons chacun notre part. C'est pas la peine de la projeter sur les autres comme s'il y avait que les autres qui étaient haineux, et que une vie et un désir qui inscrit la part de haine et d'intolérance et de violence que nous avons en chacun de nous-mêmes, ça fait partie de la santé psychique. Considérablement, très, très, très durablement. Et ce qui fait aussi partie de la santé psychique, je dirais, c'est de pouvoir avoir perdu ou laissé tomber un certain nombre de fantasmes que l'on a sur les autres. Ce qu'on appelle la réalité, c'est quand même fait de la pluralité des fantasmes que l'on construit, de ce qu'on s'imagine. C'est rarement la réalité telle qu'elle est. Et le fait d'avoir laissé tomber ces fantasmes, ces croyances, fait aussi partie de la santé psychique au sens de ce que ça peut comporter d'ouverture. Et alors concernant la psychanalyse, évidemment, la santé psychique, ça consiste à penser que la psychanalyse ne peut pas tout apporter. C'est-à-dire d'avoir à la psychanalyse un rapport qui inclut les limites de la psychanalise, les limites de l'analysable, les limites de la psychanalyse. C'est ça qui permet d'arrêter, de quitter, de reprendre, et puis de s'ouvrir à la vie et aux autres. Parce qu'au fond, il y a un moment où si on reste trop dans la psychanalyse ou que dans la psychanalyse, alors sa vie devient la psychanalyse devient une croyance, et puis on n'aime plus personne, on ne déteste plus personne, enfin on ne vit plus rien. Et ça, c'est vraiment totalement dramatique. Donc, une bonne place donnée à la psychanalyse fait partie d'une certaine idée de la santé psychique. Il se passe des choses ici. La vie, c'est la vie. J'aime mieux rester au lit. Passe-moi un verre de whisky. Peut-être que parce que j'avais une attente beaucoup trop grande et beaucoup trop théorique, finalement, j'ai rencontré que des imperfections, à commencer par ma propre pratique. Ça raconte tout à fait. Et surtout dans le portrait à la fois du psychanalyste et des patients qui venaient me rencontrer. C'est-à-dire qu'il n'y a que des imperfections et c'est très parfait comme ça. Mais c'est quoi ce serait quoi? Vous pensez que c'était quoi un patient parfait? C'est-à-dire justement, peut-être que l'attente, c'était un patient qui viendrait volontiers, trois fois par semaine, de manière absolument fidèle et finalement totalement plate, enfin, et qui n'existe pas, ou qui existe dans les livres, et encore, j'aimerais bien savoir dans quel livre, parce que finalement, quand on lit les cas de Freud, il n'y a que des arrangements progressifs, il n'y a qu'une sorte de work in progress, vraiment progressif, de sa pratique, de sa méthode et de sa théorie, au contact justement de cette pratique qui avance comme ça, avec les patients, qui apprennent finalement, enfin qui nous enseignent. Et le psychanalyste parfait, vous pensiez, vous, que c'était quoi? Ce serait un psychanalyste qui ne rencontrerait aucune difficulté particulière pour mener son analyse, pour comprendre les choses. Je pense que le défaut de l'idéalisation vient beaucoup d'une conception finalement psychologique et intellectuelle qui fige beaucoup le travail de... l'illusion, justement, de cette figure de l'analyse parfaite, alors même que, justement, c'est précisément ce qui gâche, sans doute, enfin, je crois, le rapport réel, réaliste, qu'un psychanalyste entretient avec un patient. Avec Kamel, médecin urgentiste, Catherine Delarue-Breton, enseignante, Alexandre, enseignant, Didier Courquerie, journaliste. Les psychanalystes Patrick Guyomard, Corinne Ehrenberg, Catherine Chabert, Clarisse Baruch, Sarah Contouterkem et le psychiatre Christophe Dufond-Barré. Demain, on nous dira demain. Extrait du film d'Alfred Hitchcock, La maison du docteur Edwards. Prise de son Olivia Branger, Laurent Lucas et Étienne Leroy. Mixage Manuel Couturier. Attaché d'émission Christine Bernard, Alison Sinard et Marivonne Abolivier. Coordination Perrine Carvran. L'analyse est une grande traversée. Une émission de Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Demain, quatrième et dernier volet,